toi, t'aimer sans crainte, sans peine et sans peur. Tant pis s'il faut pour cela tout quitter afin d'avoir le choix quand la vie nous met à genoux. Gender.